Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 21h comme tous les dimanches à cette heure-ci. C'est Lost in Space qui revient donc avec cette saison 3 épisode 7 qui cette fois-ci va être consacré à peut-être un des genres musicaux qui m'est le plus cher avec le punk rock des années 80. Bah, c'est effectivement le punk original des années 77. On va se retrouver avec toutes les mouvances et tendances de ce mouvement, aussi bien les tendances anglaises de 77 avec les Clash, les Pistols, que les tendances américaines et le tout premier hardcore du début des années 80. Donc vous allez voir une heure et demie, voire même un petit peu plus, de bon punk. Enjoy! I saw the transition of what that drug can do to people, and courtesy of that horrible girl, Nancy Spungen, I just saw him completely change. Quelque chose. Non, mais il y a que des... Bon, j'espère que vous avez... Hier, le ministre de la Santé a déploré ces incidents et a demandé à son collègue, le ministre de l'Intérieur, de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de l'échauffement. Lesquels? hide. I make fashion suicide. I break bones, I break hearts. When I'm charged, I see sparks, so fly. I've been bleached, I've been dyed. I make fashion suicide. I break bones, I break hearts. I make leaves in the dark. Getting up, she adjusts her headdress. I see saber-tooth and snake skin, new foundations. The skin for the old ceremony. Oh. Hey, wake up, man. This is the battle of sex as an animal act, fucked up by your emotions. The book on the pages and the text, and I don't really care formerly known as LF1 Cantor, has been approved by Apple. I set the date on it. I think you're passive. I think you're old. I think you're ancient. And we're all gonna move ya. We're all gonna move ya. Come on, hate me. Can you start to create me? Come on. Yeah. On ne peut pas rester neutre. Il faut donc s'engager pour espérer que le pire ne sera pas imposé en France. Monsieur Hollande propose de doubler le budget pour le clonage reproductif humain. Sushil, ce jeune homme que vous venez de voir, il a 26 ans, il est indien et il a participé à Qui veut gagner des millions et il est allé jusqu'à la finale et il a empoché 720 000 euros. Sushil, il gagne 85 euros par jour en temps normal, il habite un véritable taudis. Wow. Et sa vie est absolument transformée, c'est véritablement le film. Voilà, c'était la belle histoire quand même des jeux, c'est bon qu'on puisse dire. Just wanna love her like any other, what do I get? I only want a friend to stay to the end, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress, I need a caress, what do I get? I'm a maker, I just need a break. What do I get? What do I get? Oh. Après avoir humecté la bordure collante d'une feuille de papier à cigarette, posez-la à plat sur la boîte. Versez dessus une pincée de tabac. girl should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four! Des imprudences, c'est ce qu'a concédé Michel Néret aux enquêteurs de la police des polices qui l'interrogent sur ses liens avec le milieu lyonnais. À la question « Ai-je donné des informations que seul un policier pouvait avoir ?», le commissaire a répondu « Oui ». Just a man can sympathize. He can't uphold his distant laws. puis Dexia qui est au bord du démantèlement. Cette banque franco-belge pourrait être le gaz de schiste. Le gaz de schiste, effectivement, eh bien, il n'y en aura pas en France. We'll be right back. material pain in my head. It's a suspect to fight, just a tooth and death. The solution's all the problems. They put up the walls. All inside time and primus. And shall we get fuck off? They play the games of power. They try us on the back. They deal us to the bottom. But what do they put back? Don't believe them. Don't believe them. Don't think them twice. You gotta suspect their eyes. They take away our freedom in the name of liberty. Why can't they all just clear up? Why can't they let be? They make us feel indebted for saving us from hell. And then they put us through it. It's time to back. Yeah. Could we have a drink? No.